Je suis un chanteur France Inter. Je suis contre toutes les guerres. Un petit peu révolutionnaire. Et le pire enculé par derrière. Je fais semblant d'être gentil. Je fais semblant de pas aimer le fric. Je fais semblant d'être sincère. Mais je suis le pire enculé de la terre. Pour passer sa chanson à France Inter, faut être très très très malin. Être contestataire sans être vulgaire. Et parler de sexe sans parler de cul. Un poil libertaire, ça fait bien. Un poil intello, ça fait beau. Un poil rigolo, c'est rigolo. Mais pas de poil chrétien, c'est pas bien. Faut faire du nouveau, mais pas trop. Du Bob Dylan branché électro. Du rock électrique qui sonne acoustique. Et une crête de punk déguisée en poussin. Un poil d'Africain, ça fait bien. Et un poil de gitan, évidemment. Et des poils de cul de hippie. Et un postillon de bourré breton. Faut prêcher la liberté sans jamais dire sa vraie pensée. Prêcher l'égalité et son pognon bien planqué. Et prêcher la fraternité entre artistes et journalistes. Ouais, bref, faut se foutre grave de la gueule du monde. Un gros saucisson socialiste. Et une barquette de frites communiste. Et un falafel juif. Mais pas de camembert nationaliste fasciste. Hey, je suis un chanteur France Inter et faut pas croire, c'est pas du tout évident. Hein. Déjà faut être un petit peu révolutionnaire. Et puis faut être contre toutes les guerres. Et puis faut être le pire enculé par derrière, surtout. Et faire semblant d'être gentil. Et faire semblant de pas aimer le fric. Et faire semblant d'être sincère. Mais être le pire enculé de la terre. Bah ouais, faut vivre. Mais c'est pas évident. Quand t'es un artiste, un intermittent du spectacle, bah faut faire ses heures, tu vois. Parce que si tu fais pas tes heures, tu t'es pas payé à rien faire, tu vois. Tu vois, si tu fais pas tes 50 concerts par an, t'es pas payé à rien faire, tu vois, c'est ça le problème. Tu vois. C'est pour ça que France Inter, c'est vachement sympa, tu vois. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est grâce à France Inter qu'il y a encore une culture en France. Ouais, c'est clair, c'est grâce à France Inter qu'il y a encore plein d'artistes payés à rien faire. Ouais, les artistes payés à rien faire, ouais. Culture, c'est grâce à France Inter qu'il y a encore une culture en France. Ouais, c'est clair, c'est grâce à France Inter, ouais. C'est grâce à France Inter qu'il y a encore plein d'artistes payés à rien faire. Ouais, je vois, ouais. C'est grâce à France Inter, les mecs. Eh ouais.